Chapitre 6e, le manuscrit du révérend Père Andoche. Histoire des manoirs de l'Aube, de leurs dépendances et de leurs secrets par le révérend Père Andoche. Paul Barre, depuis 2 heures, lisait le volumineux manuscrit, en tournait les feuillets avec une hâte fébrile. Soudain, il s'immobilisa. Il venait de voir, dans une marge, un signe marqué au crayon rouge. Il lut. Faire viser de l'entrée de la sente du petit bois qui coupe la rivière La Luine, sur la borne du pied de l'église dont au-dessus tout juste se trouve la ligne de côté du premier vitrail du clocher. Faire recoupe de la ligne avec la ligne de visée du bout du pont à rive sénestre, aboutissant à la falaise du rocher du côté qu'elle se découpe face au couchant. Le titre du chapitre était « Le grand trésor du messire de Dampierre, 1575-1595 ». Le petit jour se levait. Alors Paul Barre s'en alla faire un tour matinal dans la campagne. Il traversa le petit bois et atteignit La Luine, fit une visée au pied de l'église, revint recouper sa ligne au bout du pont sur la rive gauche. À l'intersection des deux lignes, exactement, était située la petite maison de Jacques Ternier. « Parbleu !» fit-il, répétant ainsi son mot favori lors d'une nouvelle découverte. Et comme il avait encore devant lui quelques instants avant le lever de son maître, il reprit le livre et y trouva l'histoire, fidèlement rapportée par le père Andoche, du grand trésor. Il était dit comment le noble messire avait fait confession au moine de ce secret avec mission pour lui de le rapporter dans le manuscrit de ses mémoires. Il ne lut pas plus avant. Selon sa coutume, il monologuait. « Ah, j'ai bien fait d'aller voir ce notaire qui voulait acheter cette maison. » Ainsi j'ai su le nom du candidat à cette acquisition, Alexis Cardi. Mais comment ce juge et ce commissaire n'y avaient-ils pas pensé? Puis après un moment. Oui, mais tout cela n'explique point comment Jacques Ternier a été tué par un assassin invisible. Cela, le révérend Père Andoche ne l'a pas dit.